Ce vendredi à la vie en BD, les bandes dessinées Ramure et La Ligne Rouge, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce dernier droit vers le week-end, ou presque dernier droit. Et on fait un plaisir également de vous parler de deux beaux albums cette semaine, des albums qui jouent avec la temporalité, avec la narration, qui jouent aussi avec la sphère graphique, différents styles, différentes ambiances. C'est un bel hasard en fait qu'on les retrouve les deux en parallèle au fil de cette émission. Alors en fait, j'ai réalisé en cours d'analyse, en cours de regard, que effectivement c'est deux albums aux thématiques quand même croisées dans le sens stylistique de la chose. Alors, on va parler en deuxième moitié d'émission de La Ligne la plus sombre. C'est une collaboration entre Alain Ferrat et Mélanie Baillargé. Mélanie Baillargé qui se fait rare dans le monde du 9e art, malheureusement. Et doublement malheureusement quand on voit l'excellence de son travail là, dans cet album-là, où on va chercher des styles gravures dans certaines séquences. On joue un peu avec les éléments visuels, un album en rouge et noir. Donc bref, quelque chose de visuellement très abouti, avec trois temporalités qui se côtoient. Alors quand même quelque chose d'assez dense aussi, pas nécessairement évident à mettre en scène, on le comprend. Alors on va en jaser avec Mélanie Baillargé, donc je le rappelle, en deuxième moitié d'émission. Il y aura également Vincent Gagnon du collectif Belle Brute qui viendra nous parler de Ramure, un autre très bel album en fait, où là on suit un cordonnier solitaire, une histoire d'amour, et à travers trois styles distincts, en fait, un univers en gris pour le présent, des flashbacks qui sont plus dans un style rouge, avec un style un peu plus éclaté visuellement, et des éléments très éclatés ou un peu plus réalistes aussi selon l'interprétation qu'on en fait, pour aller chercher l'émotivité du personnage. Donc encore là, quelque chose de stylistiquement très abouti. Alors on avait envie d'en jaser avec les auteurs également pour explorer tout ça. Ça, on va le faire dans quelques minutes, là, ça sera pas très long. Et sinon, en fin d'émission, il y a aussi l'un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne, qui va être de passage. Alors, on va jaser dessin cette semaine à La Vie en BD. Et on démarre l'émission comme d'habitude avec nos actualités BD. Alors qu'est-ce qui ressort? Je pense en fait qu'il y a une nouvelle qui est essentiellement incontournable. On ne peut pas ne pas la mentionner et la mentionner longuement même. Jiro Taniguchi, maître du manga, qui a pris ses quartiers lointains, donc qui est décédé à l'âge de 69 ans samedi dernier. Alors Japon qui a perdu évidemment l'un des maîtres du manga, un auteur d'œuvres majeures du 9e art. On pense à Quartier lointain, on pense à L'homme qui marche. Alors je rappelle que Jiro Taniguchi est né en août 1947 à Tottori au Japon, dans une famille modeste. Il a commencé sa carrière de mangaka en 1970 avec un été desséché. Il va s'essayer ensuite au genre policier pour se démarqué finalement dans le registre historique avec Au temps de Bo-chan, ça c'est en 1987. Et en 1990, il commence à aborder des récits centrés sur les personnages dont il dessine, et pour reprendre une formulation que j'ai trouvée dans Le Devoir, que j'ai trouvé chouette, il dessine tant la silhouette que l'âme, et c'est vraiment à travers ces récits-là dont Quartier lointain fait partie, mais qu'il a vraiment trouvé sa place, trouvé son lectorat aussi, subséquemment avec des titres comme Le Gourmet solitaire, Le Journal de mon père, Un zoo en hiver, Les années douces. Alors, les mangas de Taniguchi, si vous ne les avez pas lus, eh bien, sachez qu'elles offrent des histoires humaines, des histoires apaisantes, un côté cinématographique aussi, des thèmes universels. On parle de famille, on parle d'enfance, on parle de nature. Une narration arythmique, un trait réaliste, une économie de moyens, pas de caricature, sans emphase. D'ailleurs, en fait, de par le ton, de par le style qu'il proposait, il est reconnu un peu, et c'est une citation qui est revenue d'ailleurs dans beaucoup de médias, là, comme étant le mangaka qui avait fait découvrir le manga à la France. Donc c'est sinon, j'y vais avec quelques citations qui ont été recensées par ça et là. On disait qu'il était vu par les lecteurs, dessinateurs, éditeurs français comme un dieu, alors que lui-même se présentait comme un type banal. Ça, c'est Torimiki qui disait ça. Sinon, la traductrice Corinne Quentin disait qu'il préparait un nouvel album destiné à un lectorat familial. On a parlé justement de ce fait que Jiro Taniguchi a été le pont entre les deux rives de la BD qui sont le Japon et la France. C'est Sébastien Langevin, rédacteur en chef de Canal BD. Vraiment, fait un auteur magnifique, un grand, grand, grand auteur. Et si, je le répète, en fait, si vous n'avez pas lu les livres de Taniguchi, il faut commencer par Quartier Lointain. Tout simplement, là, aller dans une librairie après l'émission, aller dans une bibliothèque, mettez la main là-dessus. C'est des livres qui sont quand même relativement faciles à trouver, là. Alors, si vous ne le connaissez pas, saisissez-en l'occasion. Si vous le connaissez, on vous partage évidemment la tristesse de voir cet auteur disparu, surtout pour nous lecteurs, à tout le moins, de savoir que sa production vient de prendre fin. Donc on pourra se rappeler peut-être l'importance de cet auteur et les souvenirs de ses lectures en replongeant justement dans ses lectures. Sinon, petite mention avant d'aller en musique, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec invite les auteurs de BD émergents à participer à nouveau cette année à un kiosque d'auto-édition. Donc, c'est réservé aux publications auto-éditées, vous le comprendrez. Donc, c'est à l'intérieur de la section du festival dans le cadre du Salon du livre de Québec du 5 au 9 avril. Donc, une belle visibilité, évidemment, on le devine. Donc, c'est un espace librairie destiné aux publications de bande dessinée non liées à un éditeur reconnu et également un espace de dédicace qui permet aux auteurs de présenter leur travail. Alors, si vous voulez un peu plus d'informations, mais c'est autoédition@fbdfq.com. Alors voilà pour ces petits clins d'œil en musique cette semaine. C'est la formation Zio and the Lulz qui nous accompagne avec leur Greatest Hits, volume 2, et on écoute un premier extrait. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Si vous voulez avoir quelques actualités, nouvelles et autres autour du monde de la BD, des événements BD au Québec et à Québec. Alors cela étant dit, on passe maintenant à notre première rencontre de cette semaine avec un bel album en fait dont on avait envie de vous parler. Si vous l'avez échappé, vous pourrez vous rattraper après l'entrevue, on l'espère. Alors c'est un album du duo Belle Brute, c'est chez Bayard Canada, ça s'appelle Ramure. Et l'un des membres de Belle Brute, donc Vincent Gagnon, est avec nous au bout du fil. Vincent Gagnon, bonjour. Salut Raymond, ça va? Ça va très bien. Et côté livre, en fait, Belle Brute, ça évoque peut-être, c'est un duo avec toi et Marianne Chevalier. On vous a vu dans la sphère des arts visuels notamment aussi. On vous a vu dans la sphère du livre jeunesse. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre première BD pour adultes, là, Ramure. Oui, c'est notre première BD pour adultes. C'est notre première BD point dans l'univers. On est effectivement issu surtout du côté de Marianne, des arts visuels, puis de mon côté de l'illustration éditoriale, le magazine beaucoup. Et ensemble, on a fait surtout des livres jeunesse jusqu'à maintenant, là, pour des petits de 5 à 8 ans. Et qu'est-ce que fait qu'on est arrivé avec ce projet-là et qu'on a choisi de faire ce saut-là donc vers la bande dessinée? Je pense que avant d'être au niveau du créateur, ça a été au niveau du consommateur de bande dessinée. Marianne et moi, on en lit énormément, des romans graphiques, des bandes dessinées, de tout acabit. Et on s'est comme mis dans la tête à un moment donné qu'on avait peut-être le goût d'essayer de faire ça, en sachant pas forcément tout ce que ça impliquait au départ. Mais en se disant, ben bon, on est illustrateur, on raconte des histoires, pourquoi on n'essaierait pas de faire une BD pour un public un peu plus vieux que ce qu'on a l'habitude de faire? Et côté récit, vous vous êtes orienté vers une trame qui s'intéresse au poids de la solitude, à l'amour salvateur. Alors, qu'est-ce qui vous a lancé un peu vers cette piste? Pourquoi cette thématique-là pour la première BD? Je pense que c'est des thèmes qui, sans être autobiographiques, là, c'est des thèmes qui nous parlaient à tous les deux. Au niveau de la solitude, des traces aussi que certains souvenirs, certaines blessures peuvent laisser dans notre conscient, puis vraiment pendant toute notre vie. Puis on avait envie de créer un personnage qui était vraiment ça à la puissance 1000, là, qui avait des blessures qui portaient vraiment en lui, avec ces thématiques-là. Mais c'est au niveau de l'histoire d'amour salvateur, on voulait vraiment justement faire quelque chose de très lent. T'sais, on voulait faire quelque chose qui était pas une histoire d'amour comme on est habitué d'en voir, là, où en dedans de 10-15 minutes, on est déjà au lit, hop là, tout va bien. On voulait faire comme vraiment la genèse compliquée d'une histoire d'amour. Donc, à la fin de ce livre-là, on sait même pas si en fait nos deux personnages sont un couple ou si ça va donner quelque chose, leur relation. Mais on est vraiment dans la construction de comment il pourrait peut-être y avoir quelque chose. Oui, parce que votre personnage central, Albert, en fait, essentiellement, on comprend qu'il est battu en retraite. Et donc c'est un peu à travers l'autre personnage, celui de Simone, qui est un peu son opposé à certains égards, qui est peut-être plus extraverti, plus spontané, comment lui va se mettre en danger, comment lui va en venir à prendre contrôle peut-être de ses émotions, puis commencer à sortir de sa coquille. Oui, ben c'est ça. Puis en même temps, c'était aussi, je parlais tantôt de propres souvenirs que nous-mêmes, on pourrait avoir. C'est cette espèce d'exaltation qu'on va connaître aussi quand on connaît le coup de foudre ou qu'on tombe en amour. On pourrait déplacer des montagnes, puis la veille, on aurait dit, ben non, c'est pas pour moi, oublie ça. Mais on sait ce que c'est que de rencontrer quelqu'un, de tomber en amour, puis de soudainement se trouver des forces qu'on soupçonnait pas avoir en nous. Et Albert d'autant plus que lui se sent vraiment blessé par la société en général, puis complètement reclus, puis est en paix avec ça aussi, de vivre de façon solitaire et jusqu'à toute fin pratique, aurait bien aimé que ça reste comme ça, parce qu'avec un certain confort là-dedans aussi, il avait trouvé son mode de vie qui fonctionnait pour lui. Donc lui, ça vient complètement le déstabiliser, de tomber en amour. Puis je pense qu'au premier abord, il voudrait même se dire, ben je vais fermer les yeux puis ça va passer. Tu sais, je serai pas obligé de sauter là-dedans, mais il finit par trouver cette espèce de force-là aussi. Et Vincent Gagnon, quand tu parles, on comprend évidemment qu'à travers tout ça, à travers la trame que vous proposez, c'est vraiment l'émotion qui domine. Et c'est le grand défi et la force aussi, à mon sens, de Ramure, c'est de réussir à mettre l'émotion sur papier, mettre l'émotion sur les planches, et à travers ça, ben, de jouer justement pour presque nous donner une forêt dans la psyché de ce personnage-là, ben, de jouer avec les styles visuels, parce qu'il y a trois styles qui se côtoient, donc un style plus gris, plus terne un peu pour la réalité, un style plus rouge, plus dense un peu peut-être pour les flashbacks, donc l'enfance, les moments charnières qui ont mené ce personnage-là, ou des grands moments d'émotion aussi, et parallèlement des pages qui sont plus liées à l'illustration, où là on va plus dans un parcours onirique, peut-être un peu dans son émotivité pure. Donc, qu'est-ce qui vous a lancé vers cette piste-là, vers l'idée de scinder en trois, peut-être, là, justement, les modes narratifs du récit? Il nous a semblé un moment qu'on était presque en train de faire trois plus petits livres dans un gros livre. On avait bien choisi ces langages graphiques-là dès le début pour vraiment, comme tu le disais, pour vraiment marquer, d'un, le temps, t'sais, vraiment séparer les flashbacks du moment présent. Et on se disait aussi qu'on voulait apporter un troisième langage qui était celui qu'on voit dans le livre, qui est souvent dans des forêts, qui sont vraiment des pages illustrées. On voulait jouer avec cette espèce d'allégorie-là de comment est-ce qu'on peut transformer une émotion en image pure sans avoir besoin de récits, de textes. Donc, ces pages-là qui sont sans texte, je pense que c'est un peu comme si on s'était dit, on va raconter une histoire, on va écrire un scénario, il va avoir un texte et tout, mais dans ces pages de forêt-là, on va aller à l'essence même. Il n'y aura plus d'autres accompagnements que le visuel tout seul. Et de continuer à raconter une histoire, mais seulement avec du visuel, ce qui est en fait aussi à la base beaucoup notre métier à Marianne et moi. Donc, on est des illustrateurs avant tout, donc on a cette impression-là dans notre travail de tous les jours de raconter des histoires aussi, même quand il n'y a pas de mots. Puis on trouvait que c'était un outil puis un processus intéressant dans ce livre-là de vraiment montrer la brutalité puis le côté plus rough d'une émotion en laissant tomber le texte complètement par moment pour le montrer seulement en image comme ça. Et peut-être pour que les auditeurs se fassent une idée de comment ça marche dans le livre, on pourrait peut-être donner l'exemple de la pièce de théâtre, en fait. Je résume brièvement pour pas que tu ailles le faire, là, mais ouais. Dans le fond, le personnage va au théâtre, on commence en gris, si on peut dire, tranquillement, donc l'image grossit, on prend une pause un peu d'observation de la pièce, ensuite on tombe en action découpée, et tranquillement, ben, l'émotion plus brute, dans le fond, arrive dans l'esprit du personnage. Là, on tombe dans le rouge, le rouge grossit, on tombe en image globale, et whoops, paroxysme de cette séquence-là, avec une illustration qui vient condenser un peu toute l'émotion dans laquelle le personnage se trouve à ce moment-là. C'est un équilibre hallucinant pour réussir à jouxter trois médiums comme ça dans une séquence, et là, c'est à peu près 4-5 planches, là, c'est pas si long que ça non plus. Ouais. On a passé beaucoup de temps justement à faire cette espèce de dosage-là quand on était à l'étape du storyboard, là, de la maquette, si tu veux. On avait collé tout ça sur un mur là chez nous, nos petites double pages, mais qui étaient encore très esquissées, là, c'était pas encore en couleur et tout. Mais on voulait porter une grande attention à ça, justement, comment est-ce qu'on allait broder ces trois langages-là, sauter d'un à l'autre, pour pas perdre le lecteur là, puis que ça décousse complètement notre histoire, puis que ça soit pas agaçant non plus, qu'on sente un rythme trop régulier. Il y a dans ce passage là que tu viens de citer où il va au théâtre, puis il y a une espèce de quiproquo qui va s'installer dans sa relation avec Simone, où il va avoir un malentendu et ça accélère justement, comme tu disais, le l'idée de violence, puis de dégénérescence aussi de ces sentiments qui vont devenir très très sombres et puis très très négatifs. Et puis on voulait vraiment marquer l'accélération de ça de cette façon-là. Mais je dois dire aussi que le fait d'avoir les trois langages graphiques dans le livre, ça a été pour Marianne puis moi un casse-tête, mais ça a été aussi un gros laboratoire au niveau visuel, parce que c'était aussi des styles qui n'étaient pas forcément ce à quoi on était habitué jusqu'à ce moment-là. Tu sais, on avait une expérience qui était plus de petits livres joyeux avec des couleurs bonbons pour des petits enfants. Fait que là, on allait vraiment plus dans quelque chose pour se faire plaisir aussi comme adulte, là, mais qui était aussi très déstabilisant pour nous. Oui. Puis en même temps, ça devient un moteur, en fait, assez stimulant côté narration, comme on le disait, parce que jusqu'à ce point-là, par exemple, pour l'intégration du rouge, les séquences plus violentes, c'était uniquement utilisé pour des flashbacks. Là, c'est un peu la première fois que vous intégriez, si on peut dire, ce processus-là dans le contexte du présent. Donc, ça a un effet particulier pour le lecteur aussi. Donc, ça vous permet des jeux comme ça, puis d'éclater un peu la structure BD pour pas rester dans une structure plus traditionnelle, rester pogné, peut-être même dans une structure plus traditionnelle aussi. Ouais, ben c'est ça. Au tout départ, je pense qu'on avait avant de mettre sur pied là, ces trois langages graphiques-là, on était parti évidemment avec ce qu'on connaissait, puis ce qu'on consommait nous-mêmes de la bande dessinée, puis assez tôt, je te dirais, on a pris conscience qu'on voulait éclater là, le gaufrier, puis qu'on voulait sortir de la case un peu. Au début, on n'appelait même pas ça une bande dessinée, là, on disait juste qu'on faisait un livre, puis vous décidez vous-même qu'est-ce que c'est, là. Il y a tout un débat aussi autour de l'appellation roman graphique en français, là. moi, j'aime bien dire que c'est un espèce de livre laboratoire, puis qu'on s'est comme éclaté là-dedans. Mais ça, c'est ça, c'est un espèce de mélange au final d'un album illustré, d'une bande dessinée. Oui, puis avec des cases carrées, des cases rondes, des illustrations. Donc encore là, en fait, je me disais, tu sais, en même temps, des fois quand on arrive une première fois dans un médium, on se donne un peu la liberté pour l'avoir jamais fait, ben d'essayer les choses, d'expérimenter peut-être encore plus librement que si on savait exactement ce qu'on faisait. Là. Peut-être, oui. C'est peut-être le côté inconscient de la chose qui nous a libérés, là, mais non, ça a été, c'est ça, ça a vraiment été un gros laboratoire et puis aussi cette BD-là, bon, là, on la voit terminée comme ça et tout, mais on a connu aussi beaucoup de retours sur plusieurs pages qu'on a décidé de complètement transformer et tout. C'est un projet qu'on voulait faire pendant à peu près un an à la base, mais ça nous a pris 3 ans pour le faire. Parce que pour toutes sortes de raisons, là, dont entre autres, on a eu un enfant en plein milieu. Ça a rallongé joliment le processus. Puis étant étendu dans le temps comme ça, ben c'est sûr qu'après une couple d'années, il y a des dessins qu'on avait faits auparavant. Quand on est arrivé vers la fin du livre, on s'est dit, ben, personnage, il a pas mal changé, il y a des trucs qu'on n'aurait pas fait de cette façon-là. Bon, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient comme ça. Fait que c'est un livre qui a été très, très, j'aurais envie de dire malmené, là, mais c'est pas le bon mot, mais il a été travaillé beaucoup, ce livre-là, au point de se demander à ce moment, qu'est-ce qu'on était en train de faire à un certain moment donné. Là, on se demandait est-ce qu'on va réussir à finir ce livre-là, parce que c'était justement un chantier un peu flou par moment, mais à la fin on a réussi à mettre tout ça ensemble, puis ça s'est bien passé. Oui, en fait, d'utiliser des fois avec trop de recul, on est moins dans la machine, si on peut dire. Puis en même temps, ça reste une trame aussi. Il y a quelque chose de très, très, très, je le disais tantôt, très émotif dans la trame, mais dans le fond, les illustrations, faut les ressentir dans le contexte de ce qui précède, de ce qui suit. Puis c'est très organique comme structure aussi. Donc, j'imagine que c'est ces genres de trucs qui c'est pas nécessairement évident de garder le côté organique sur une durée très, très prolongée de création. Non, c'est ça. Puis l'artiste ne veut pas, il peut pas faire autrement qu'évoluer avec le temps. Tu sais, nous, on c'est sûr que Marianne puis moi je fais de l'illustration depuis une quinzaine d'années déjà, puis Marianne depuis une dizaine d'années. Mais Belle Brute en tant que telle, le duo, le concept de travailler à quatre mains sur des dessins, ça fait quand même juste 5-6 ans qu'on fait ça. Donc c'est sûr qu'on est encore dans une période où on évolue beaucoup, on se transforme, tu sais, puis c'est souhaitable aussi. On veut pas que notre style soit coulé dans le béton, puis dire ok, c'est bon pour les 30 prochaines années. Là. Fait qu'on est dans cette période-là. Fait que c'est sûr que ce livre-là, s'étant installé sur 3 ans de notre vie, ben il a connu aussi, tu sais, tous ces changements-là. Et j'imagine aussi de la découverte aussi du style. Si tu dis, ben regarde, ça fait 5-6 ans qu'on travaille un peu plus en duo, donc à quatre mains, ben nécessairement, j'imagine que Vincent Gagnon solo, Marianne Chevalier solo et Belle Brute, c'est pas exactement la même chose les trois non plus? Non, absolument pas. C'est ça, Marianne, elle travaille par collage dans son œuvre qui est beaucoup plus onirique, beaucoup plus abstraite, je dirais. C'est très, très... elle fait un visuel qui est très avec un certain automatisme. Donc, elle va juxtaposer toutes sortes de morceaux pour créer des œuvres comme ça. Donc, ça ressemble absolument pas à ce qu'elle fait dans Belle Brute. Puis moi, ben, je travaille beaucoup plus en simplicité dans mon travail personnel. Je travaille beaucoup plus en géométrie. Je fais des trucs qui sont beaucoup plus rapides, puis qui doivent puncher parce que c'est une image dans un magazine. Donc, ça doit être perçu rapidement pour accompagner un texte et tout. Donc, c'est sûr que Belle Brute, quelque chose de beaucoup plus léché pour moi, puis pour Marianne, c'est quelque chose de beaucoup plus concret aussi par rapport à son travail. Et donc, on dirait que c'est une première expérience côté BD. Est-ce que c'est un médium, est-ce que c'est une structure, en fait, qu'on appelle roman graphique, BD expérimental ou autre, là? Ouais. C'est un type de livre que vous aimeriez refaire dans un futur rapproché? Ben, moi, je suis présentement en train de faire une bande dessinée en ce moment chez Mécanique Générale, en solo. C'est assez différent de Ramure, faut le dire, là. Mais c'est Ramure qui m'a donné le goût de me lancer un peu dans ce projet-là, encore une fois. Là. Quant à Belle Brute, je sais pas si on va refaire une BD très, très bientôt, parce que c'est quand même... Ça a été quelque chose d'assez assez intense comme chantier. Mais je pense que ça a transformé, par contre, notre façon de travailler. Donc, la façon même dont on faisait nos livres jeunesse avant Ramure, c'est plus du tout ça qu'on fait. Là, on travaillait à la gouache sur carton avant, puis là, on a pris un espèce de virage beaucoup plus minimaliste avec Belle Brute. Le langage des flashbacks dans Ramure qui est en teinte de rouge rosé, là. C'est plus là-dedans qu'on est maintenant. Là. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus épuré qu'avant. Donc, je pense que si et quand on va refaire une BD avec Belle Brute, ça va être quelque chose qui va être un peu plus dans ce style-là. Alors, on met ça dans les dossiers à suivre, en attendant également la BD solo et les autres productions. Vincent Gagnon, merci beaucoup. Bien, je te remercie beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Voilà, donc c'était Vincent Gagnon, donc co-auteur avec Marianne Chevalier de cette BD qui s'appelle Ramure. Donc c'est du duo Belle Brute et c'est du côté de Bayard Canada. La formation Zio and the Lulz qui nous accompagne avec quelques extraits, donc toujours à saveur 8 bits. Et petit commentaire BD, tiens, avant de poursuivre l'émission. Alors, je vous entraîne du côté des éditions La Pastèque, la bande dessinée Louis parmi les specs, dont vous avez sûrement entendu parler. J'attendais de voir si on allait pouvoir la couvrir de manière plus prolongée, mais en fait, je ne voulais pas trop attendre non plus pour question de vous la recommander, tout simplement. Sûrement, plusieurs d'entre vous qui écoutaient avaient apprécié Jane Le Renard et moi. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'Isabelle Arsenault et Fanny Britt allaient offrir parce que ben, c'était clair qu'il y avait quelque chose dans cette collaboration-là qui ressortait, qui marchait, venait à nous chercher comme lecteurs là, dans la manière de raconter, dans la manière de présenter les choses. Et donc, c'est arrivé quelques années plus tard avec cet album, donc Louis parmi les spectres. Un album qui s'intéresse encore à un regard, à une dynamique particulière de l'enfance. Donc, après s'être intéressé à l'intimidation, là, on parle plutôt des conséquences du divorce, on pourrait dire. En fait, c'est la trame, l'élément qui est en filigrane. Il y a également aussi une recherche d'amour, amour familial, amour amoureux aussi à travers ça. Donc, c'est Louis, 11 ans, qui est confronté à la séparation relativement récente de ses parents. Donc, c'est entre chez son père et chez sa mère, qui est confronté aussi à la situation émotive de son père, à l'alcoolisme de son père, au travail que celui-ci tentera de faire avec succès ou non. Je ne veux pas trop dévoiler non plus sur lui. Donc, cette dynamique-là, il y a un petit frère aussi là-dedans, donc d'essayer de retrouver la famille à travers le spectre des souvenirs, des moments heureux, des moments intenses, des joies, des peines qu'on a passées ensemble, parce que c'est reste quand même une unité particulière. Donc, d'essayer de retrouver ça ou d'essayer de retrouver des nouveaux repères dans ce contexte-là. Donc, où est la famille? Qu'est-ce que sa famille, aujourd'hui, après le divorce, dans ces moments quand même pas évidents? Et en parallèle, à l'école, il y a aussi une fille dont il est amoureux, mais dont il n'est pas capable d'aller parler. Le contact ne se fait pas au départ, donc comment il va réussir aussi suffisamment dans ce contexte familial pas facile, ben aller chercher la confiance en lui qui lui manque, les appuis qui lui manquent pour aller de l'avant. Donc ça, c'est un peu le contexte narratif, une situation avec des ancrages très réalistes, avec un traitement d'un point de vue narratif qui est très réaliste. Je pense que si c'est une BD, si vous vivez un contexte comme ça, que vous allez feuilleter, peut-être que vous allez faire des correspondances. On parlait d'émotion tantôt aussi avec Ramure, mais je pense que encore ici, c'est un récit aussi d'abord et avant tout émotif, beaucoup de d'un dessin qui est très qui est empreint de poésie d'Isabelle Arsenault, donc très impressionniste à certains égards. Donc on joue aussi avec les couleurs, avec un découpage qui est très aéré, des teintes qui sont dominées par le gris, mais avec des soupçons de jaune qui viennent ressortir aussi à travers tout ça. Donc ça fait un tout qui, à l'image de Jane Le Renard et moi, fonctionne. Peut-être qu'on n'a pas la surprise qu'on a eue à Jane Le Renard et moi, parce que là, on sait qu'ils fonctionnent très bien ensemble, ces deux-là. Donc, on est content parce que ça fonctionne tout aussi bien que l'album précédent, mais on n'a pas cette surprise heureuse-là parce que, justement, ben, on a la connaissance de la chose désormais. Et donc, ça fait un récit qui se lit très bien, qui va parler autant aux 10-16 ans qu'aux adultes, j'en suis absolument certain, et que je vous recommande sans trop de réserve également. Là, c'est une des bonnes BD côté Québec là, que j'ai lu depuis, mon Dieu, je pense que c'est sorti l'automne dernier, si je me trompe pas, je suis un peu mêlé dans mes dates, mais dans les sorties récentes là, ça reste très très solide. Alors ben voilà pour ce clin d'œil. Deuxième demi-heure de l'Élève en BD qui s'amorce. Je vous rappelle d'ailleurs, nos émissions sont disponibles en balado diffusion. On a pris un peu de retard, par contre, là, comme j'ai dit la semaine dernière, mais on se rattrapera la semaine prochaine. Dans tous les cas, vous pourrez trouver les balado diffusion sur lelèveenbd.wordpress.com également. Et on va rester chez les éditions La Pastèque après avoir fait un petit clin d'œil tout à l'heure à Louis Parmi les Spectres. On va maintenant porter un regard en profondeur sur un autre album qui est arrivé l'automne dernier, qui s'appelle La Ligne la plus sombre. C'est scénarisé par Alain Farah, c'est dessiné par Mélanie Baillargé, et la dessinatrice est avec nous pour en parler au bout du fil. Mélanie Baillargé, bonjour. Bonjour, Raymond Poirier. Alors, ben, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous parler peut-être un peu de la genèse de ce projet-là? Est-ce que c'est Alain Farah qui est passé par La Pastèque et les éditeurs qui sont entrés en contact avec vous? Est-ce que c'est directement entre Alain et vous? Bref, comment ça s'est passé, le départ de tout ça? Ah, ben, Alain serait évidemment la meilleure personne pour raconter la genèse exacte. Ce que j'ai entendu dire un soir, c'est qu'il y avait une rencontre entre un Fred Gauthier puis un Alain Farah, des discussions sur un roman graphique que chacun aimerait voir naître, et puis, dans de quelques heures, sur le bureau virtuel de Fred, serait arrivé le petit 4 pages Word qui m'a été forwardé, puis, auquel j'ai dit pas tout de suite, oui. J'ai dit non. Parce que oui, ça a commencé comme ça, en fait. J'ai dit ben voyons donc, je dessine pas des décors, moi. Puis évidemment, c'est toute une histoire qui se passe dans le Maine, à Montréal, qui a énormément de référents dans le temps aussi. Puis il y a des personnages précis. Puis moi, à ce moment-là, il y a 2 ans, je faisais des petits bonhommes noirs sur des fonds blancs. Puis Fred est un gars assez tenace et persistant. Puis il m'a dit non, mais relis là, puis pense-y. Puis j'ai dit ah, OK, let's go, on essaye. Et qu'est-ce qui vous a accroché dans ce récit-là? Est-ce que c'est d'abord le défi, justement, ou il y a quelque chose dans ce qu'Alain Farah cherchait à raconter qui vous a donné envie, justement, de relever ce défi-là, mais dans le contexte de ce récit-là? Oui, c'est beaucoup de prise de décision, c'est-à-dire que juste au niveau des décors déjà, moi je voyais pas où est-ce que je pouvais m'en aller. Puis j'ai besoin de défis, effectivement. C'est par là qu'on peut m'accrocher, en fait. Puis probablement au niveau de l'histoire, j'étais pas certaine de tout comprendre, de connaître ni de comprendre l'univers d'Alain qui s'amuse à nous tracer des voies puis à nous brouiller les pistes. Puis je voulais aussi savoir à un moment donné, si j'étais pour m'investir dans ce projet-là, qu'est-ce que j'allais pouvoir amener? Parce que c'était quand même assez littéraire, en prose. Vous avez parlé de scénarisation, mais c'est moi, en fait, qui ai fait la scénarisation avec l'aide de Fred puis le support d'Alain, mais c'était de la prose au départ. Et puis, des souvenirs, des dialogues intérieurs, pas beaucoup de phylactères, pas beaucoup d'escalier non plus, pas d'indications sur le chemin à prendre. Des espèces d'apportées, des parenthèses, ça allait un peu dans tous les sens pour finalement avoir une espèce de ligne directrice que moi-même j'avais un peu de difficulté à comprendre. Puis je me suis dit, ben voilà, tout un défi. Oui, parce qu'en même temps, c'est qu'on plonge aussi dans l'univers de quelqu'un d'autre. Alain Farag, qui est quand même un univers littéraire qui est bien ancré, un imaginaire particulier, comme vous disiez, mais parallèlement, il y a aussi Mélanie Baillargé qui a son univers, qui a sa sensibilité. Donc, comment réussir à s'approprier, dans le fond, l'univers et l'avatar de quelqu'un d'autre pour trouver, j'imagine, un point de rencontre entre les deux? Ben, faut dire que j'ai un background d'illustratrice. Donc, ce que j'ai à dire, moi, ça passe à travers ma ligne, mais c'est pas... Mon chapeau personnel est beaucoup moins grand dans un contexte comme ça que celui que je donne. C'est-à-dire que je sais que Fred vient me chercher, puis Martin vient me chercher pour que j'illustre les propos d'Alain. Puis mon univers est peut-être assez dark pour lui. C'est peut-être ça qu'ils ont vu ensemble pour faire naître ce projet-là. Mais c'est sûr que je vais aller donner ma touche. Par exemple, dans les planches, où est-ce qu'il explique... la référence de la ligne à Dune en particulier. Puis là, je me suis dit, OK, ça c'est des endroits où est-ce que moi, je peux venir expliquer. Puis que j'ai gardé à la fin aussi pour bien intégrer son propos puis savoir comment est-ce que j'allais le redisposer puis le reproposer avec ma vision, parce que si j'ajoute rien, je voyais peut-être pas l'intérêt, mais à force de rentrer dans son univers, ben j'ai vu un peu le mien ressortir, puis je me suis dit, ben voilà, il y a des occasions, il y a des lignes où est-ce que je peux aller tirer puis rajouter, et pas juste servir à rien, en fait, au propos. Et le propos, en fait, peut-être, si on place un peu le récit, on parlait d'une certaine complexité, c'est essentiellement qu'il y a trois lignes du temps qui sont vécues un peu en simultané ou en parallèle, un temps clair, donc le temps idéal, il y a le réel, et il y a la ligne la plus sombre, les mauvaises décisions, et c'est un peu les trois axes qui auraient pu se développer à travers des souvenirs à saveur politique, à saveur personnelle d'Alain Farag, avec un peu d'onirique aussi là-dedans. Donc c'est en fait, j'imagine que d'un point de vue autant visuel que narratif, parce que le visuel aussi va dans différentes directions, c'est de trouver comment rendre ce chaos-là, si on peut dire, comment le rendre compréhensible, comment éviter la cacophonie, mais comment conserver cette particularité-là qui fait vraiment aussi toute l'originalité de la ligne la plus sombre. Probablement, vous parlez de où est-ce que je me donne le droit, justement, je me dis, OK, lui, il va partout, je vais y aller moi aussi, puis il va chez Victor Hugo. Puis je me suis dit, tiens, s'il me fait un changement de style puis de temps en même temps, je vais voir ce que moi je peux faire en inter-littéralité par rapport à l'illustration, parce que lui, il fait juste en style littéraire. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben non seulement on va y aller dans le style, je suis allée regarder ce que les publications de Victor Hugo à l'origine avait l'air. Puis évidemment, on se retrouve avec des gravures, avec des univers en noir et blanc, avec juste même au niveau de l'impression de ces planches-là qui ne faisaient pas sur les mêmes presses. Alors, on venait coller des pages à l'intérieur. Alors, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut aller jusque-là, puis de proposer même autre chose que des gaufriers ou des bulles, même. Oui, parce que entre ce segment-là, justement, qui est presque une allure d'un livre de sérigraphie à un certain égard, et les images humaines qui sont dans un style beaucoup plus épuré, ben on a deux mondes, puis il y a beaucoup aussi d'entre-deux, si on peut dire, qu'on va trouver au fil du récit. Donc c'est ça semble avoir été un terrain d'expérimentation quand même assez intéressant. Oui, tout à fait. Puis la mixité des médias aussi, tout le dessin est fait à la plume, mais la colorisation, je suis allée digitale, puis c'est un peu, c'est la première fois parce que je l'avais jamais fait comme ça, puis j'étais pressée un peu par le temps, fait que ceci explique cela. J'arrive là, je me dis, mon, ça n'a pas de bon sens, il me reste 2 semaines pour pour aller faire mes aplats de Montrouge, puis je me voyais faire ça à la table lumineuse, puis tout. Alors j'ai investi dans une petite tablette graphique, puis je me suis mis à travailler dans les couleurs avec le rouge, puis il est devenu un personnage qui venait m'aider même au niveau du récit. Puis là j'ai eu beaucoup de plaisir, parce qu'avant d'attaquer la couleur, déjà, comme j'en ai parlé au début, je faisais pas tant de couleurs que ça, peut-être des aquarelles des fois, mais en support, pas tant comme au niveau de la de l'histoire. Puis là, je suis allée travailler dans les films de couleurs comme tel. Dans Photoshop, j'allais utiliser les comme si j'avais mon film de Pantone rouge, puis je travaillais directement dedans à la manière mécanique que je connais, moi, de Dieu de la vieille, là, puis comme des on appelle ça des rubylites, hein, voilà. Puis là, je suis allée travailler dans mes rubylites digitaux, puis je me suis mis à me rendre compte que la moyen me permettait même d'avoir quelque chose à dire juste au niveau de la couleur. Donc, on parle d'amour dans certaines planches, mais on va parler aussi des carrés rouges, puis après ça, on va parler, il y a les esprits qui vont émaner. Donc, je l'utilise vraiment comme un outil de... Oui, pour servir l'histoire. Oui, puis en fait, le rouge apparaît, je pense, au départ, justement, dans les éléments, il apparaît dans les couleurs, mais rapidement aussi, le fantomatique vient se joindre un peu à ça. Ça permet, donc, d'un côté, par exemple, dans une séquence où on a des fruits de mer, on a Bob, donc on suit le homard un peu de vers l'assiette, puis un peu plus tard, ben dans le fond, on retrouve un peu comme une voix intérieure. Dans le fond, c'est un personnage fantomatique qui vient se greffer en rouge par-dessus votre image originale. Oui, puis aussi au départ, quand il dit qu'il va devenir un écrivain engagé, puis il rentre chez Radio-Canada, puis il y a son petit carré, puis le grand logo qui se déploie, puis là on sent la petite peste du petit monsieur qui débarque, puis qui a des grandes envergures, puis avec la petite tache miniature qui vient expliquer son... jusqu'où ça va l'amener, toute cette aventure, puis la décision qu'il a prise, est-ce que c'était la bonne ligne? Ah, on ne sait pas, on verra. Oui, mais comme vous dites, effectivement, il y a vraiment un côté où la couleur devient un peu personnage, parce que ça accentue certaines ambiances, ça dirige le regard, ça fait un fil, une ligne additionnelle peut-être un peu à suivre au fil du récit. Oui, en fait, même j'aurais voulu probablement le pousser un peu plus. Ça, c'était l'intention du départ. Même je pense dans les premières discussions, j'avais eu cette idée de puis on le voit par exemple quand on voit Pauline être channelé par Seth, puis il y a les lignes qui s'imbriquent par-dessus elle, puis elle est comme en extase, puis j'aurais cru l'utiliser beaucoup plus souvent au creux du récit, puis finalement, ça, je sais pas si j'ai laissé tomber l'idée, où je trouvais qu'il y avait trop de niveau de lecture, puis je me suis dit peut-être que ça viendra dans un tome 2, hein, si ça arrive, peut-être qu'elle va revenir à avoir une deuxième puis un troisième niveau de lecture. Et à travers ça, il y a aussi évidemment les personnages eux-mêmes. Donc, Alain Farah, vous avez choisi de représenter de manière somme toute réaliste, mais j'ai l'impression peut-être avec des jambes et des bras quand même un peu plus gros que la normale, pour lui donner plus de prestance, ou... Mais c'est drôle, ça. Ça revient tout le temps. Moi, je trouve qu'il y a des jambes et les bras très, très gros. Non, il vous dira le contraire. Puis je suis pas sûre qu'il est bien même d'accord avec mon choix artistique, mais... Quand je dessinais le personnage, je me disais, il va marcher, il va écrire, qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse, est-ce que j'ai besoin vraiment qu'il y ait des doigts? Puis là, je me suis mis à dessiner ses doigts dodus, puis j'avais vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Peut-être dans un sadisme de ma part, je ne sais pas. Peut-être que c'est un Alain du futur quand il va avoir. Je sais pas. Moi, je ne le trouve pas si gros que ça, c'est vrai. Ce qui est drôle, c'est que quand il lève ses pantalons au bord de la plage, c'est des blagues pour moi-même, il y a encore les mollets un peu massifs. En fait, on aurait pensé que c'était le pli du pantalon, mais non, il y a vraiment le mollet massif. Il aime marcher sur le bord de Marginal Way, puis il s'est forgé des petits mollets de fer. Et je trouve toujours intéressant, en fait, le processus qui mène vers les éléments de personnage, surtout quand on parle du réel, en fait, parce que soit on tombe dans la caricature, ce qui n'est pas nécessairement toujours possible, ou sinon on essaie de trouver la manière, justement, de trouver la façon par laquelle on le représente pour qu'il vienne servir le récit, pour qu'il vienne servir son rôle à l'intérieur du récit aussi. Ben oui, parce que il y avait quand même besoin des jambes pour se déplacer, mais c'est un cérébral, hein. Mm-hmm. Puis il parle avec ses mains, donc, puis il y a toujours son costard, là, il est toujours habillé comme ça. Puis aussi, je le représente, c'est tout le temps lui. Parce que Alain parle de lui, fait que même quand il parle d'un film, il parle de lui. Puis quand il parle des personnages, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Clémence qui va revenir, même si elle est barmaid dans son histoire ou c'est la fille de Victor Hugo plus tard. C'est toujours centré vers le narrateur. Oui, parce que même le film, effectivement, c'est lui qui se retrouve en vedette à l'intérieur de ce film-là, on pourrait dire, là, où il se regarde au cinéma lui-même. Constamment. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'un personnage qui était assez simple, qu'on le reconnaisse, puis qu'il soit, je sois capable de l'habiller avec sa couronne de laurier en gravure, autant que, puis après ça, Bob qui devient une espèce de grande dictature nue. J'avais vraiment envie de faire un full frontal, mais je l'ai fait de dos. Mais au moins j'ai mon homme nu dans mon premier roman graphique. Au départ, il y avait un Alain Farah nu dans un lit aussi, mais je me suis dit il fera pas ce plaisir là, on attendra un peu. Vous attendrez le tome 2. Le tome 3 peut-être. Il va falloir qu'il écrive pour ça. Et Mélanie Beyerger, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir. Alors, je rappelle Mélanie Beyerger, donc qui est dessinatrice, co-auteur en fait, dessinatrice sur la ligne La Plus Sombre, scénario d'Alain Farah. C'est du côté des éditions La Pastèque. De la vie en BD, Raymond Poirier avec vous encore pour une dizaine de minutes et on fait cette dernière ligne droite, on la passe en compagnie d'un de nos libraires en résidence de chez Pantoute, Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Et Marco, quelques titres que tu nous amènes cette semaine, et assez différents en termes d'univers, j'ai l'impression. On commence avec un premier, Infinity Vatin. Infinity 8, en fait, est un... Les éditions Rue de Sèvres ont parti une collection qui s'appelle Bureau Comics. Alors, ils se mettent à l'heure de américaine, ils se mettent à l'heure du comic. Infinity 8 est un concept de 8 albums qui va comprendre 8 histoires, qui va raconter l'histoire d'un vaisseau spatial, un vaisseau de croisière qui s'appelle l'Infinity 8, et qui va... mettre en vedette une de ses agentes de sécurité. Et chaque album est une boucle temporelle, est un événement qui, au fur des 8 albums, va être le même événement, mais qui va changer à chaque fois. Donc, c'est un bon défi, ce côté scénario, pour vraiment que ça soit cohérent de manière intégrale. Voilà. Alors, Trondheim et les deux premiers tomes sont parus en album. Le premier est au scénario, c'est Trondheim et Zep. Zep est le créateur de Titeuf. Trondheim est le créateur d'un paquet d'affaires. Et au dessin, Bertel. Bertel et Trondheim, Zep, dans le premier tome, ils vont avec des créatures mangeuses d'hommes spatiales. Donc, une histoire un peu plus qui se passe dans le vide de l'espace pour la majorité. Dans le deuxième tome, là, on y va encore une fois avec le scénario de Trondheim et le dessin de Olivier Vatine qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Alors, dans le deuxième tome, qui est, à mon avis, le plus réussi des deux, l'agente de sécurité spatiale de ce vaisseau de croisière spatiale est confrontée à la résurrection de Hitler et des nazis sur le vaisseau de croisière. C'est teinté d'humour, c'est amusant, ça fonctionne au niveau de l'histoire, au niveau du paradoxe temporel, parce que la boucle est bouclée, mais qu'elle recommence à chaque fois. Et il faut dire que ce concept-là a commencé au mois de novembre passé, et il est sorti en format comics. Ces deux premiers tomes sont parus en 6 fascicules de format comics. Alors, on peut choisir le médium selon l'expérience qu'on veut ou le type de format qu'on veut tenir. Et en même temps, Marco, est-ce que on sent déjà avec ces deux premiers cycles-là, pourrait-on dire, la correspondance entre les deux, une ambiance particulière de par l'interrelation qu'on a entre... En fait, le fait d'amusant, c'est deux choses complètement séparées comme univers. Au niveau du dessin, au niveau graphique, on a deux univers complètement différents. Mais l'histoire commence toujours pareil. Le vaisseau spatial est stoppé par un amas de débris et on convoque l'agente de sécurité et on provoque une boucle temporelle Infinity 8. Et là, l'agente de sécurité spatiale va enquêter, va vivre l'aventure et revient faire son rapport et ça recommence. En fait, c'est une idée. On reconnaît les concepts de Lewis Trondheim. Lewis Trondheim adore ce genre de concept-là. Donjon était de l'improvisation pure à chaque album, à chaque concept, à chaque fois qu'il fait des trucs comme ça. L'atelier mastodonte, c'est un peu ça chez Dupuis, ce genre de concept-là. Alors, il s'amuse beaucoup, mais ici, le concept, il est structuré et il fonctionne. Alors ça, c'est la série Infinity, donc qui vient de s'amorcer, déjà deux albums en disponibilité. On change radicalement d'univers, Marco. On se lance avec Thébault, la jeunesse de Mickey. Ben, je sais pas si je t'en avais parlé, mais Disney, qui en France, le journal Mickey a toujours une grande importance en France. Le journal Mickey... Mais beaucoup plus qu'ici, d'ailleurs, en fait. Oui, ici, on avait ses recueils noirs et blancs, mais là-bas, là, ça a été une forme de diffusion de la BD dès les premiers instants du 20e siècle. Dès les années 20, 30, le journal Mickey publiait de la BD anglophone traduite, mais aussi publiait des premières BD francophones. Et ça, jusqu'à aujourd'hui. Et là, le journal Mickey en France a un passé assez chargé et a véhiculé tout l'univers de Mickey, même les grandes époques de Carl Banks qui a créé Donald Duck, qui a créé l'oncle Picsou. Alors, là-bas, en France, ils ont décidé de tout rééditer. Il y a des collections complètes de Donald Duck qui sortent. Ils rééditent les premiers Mickey, les premiers strips des années 20. Ils rééditent les premiers strips de ces années-là. Ils font la fête à Disney. Ils font la fête à Mickey en France. Et là, ça nous arrive en bloc ici. Mais au travers de ça, Disney, le Mickey, a décidé de confier le personnage et de donner carte blanche à des auteurs européens. Oui, il y a Loisel qui le fait, il y a Thébault. On a eu Loisel avec Zambo Café. On a eu Lewis Trondheim avec le Mickey Chase Quest. Et on a eu Cosé qui nous a donné un Mickey qui nous raconte l'histoire de sa rencontre avec Minnie. Et là arrive Thébault avec la jeunesse de Mickey. Écoute, c'est le plus réussi, c'est le plus drôle. J'ai pas vu quelque chose de drôle depuis bien longtemps, moi. Alors, c'est Mickey, grand-papa, notre Mickey, qui est rendu un grand-papa, et qui reçoit son neveu, il reçoit son petit-fils. Et il lui raconte des histoires. Alors, c'est du genre Thibault, c'est du genre petit Mickey, et Thibault s'amuse allègrement à nous y aller de son humour, très moderne, très d'aujourd'hui. Mais la façon dont il raconte, quand Mickey raconte ses aventures, il est très respectueux de ce que Mickey était des premières aventures dans les années 20. Il est très respectueux du genre d'histoire qu'il raconte. Il est très respectueux de cette structure-là en comic strip. Donc, c'est non seulement un des plus réussis comme hommage, mais c'est aussi un des plus réussis grâce à la patte de Thibault, grâce à cet humour-là, parce que le petit-fils de Mickey, il vit aujourd'hui et il répond avec le langage d'aujourd'hui. Écoute, ça permet d'actualiser un peu l'univers de cette série-là. Voilà, on n'est même pas obligé d'avoir aimé Mickey, de connaître Mickey. On lit ça comme un truc indépendant et je vous promets que vous allez avoir du du plaisir. Alors, on pourrait dire, en fait, que la jeunesse de Mickey et de Thibault, c'est un peu à la reprise de Mickey, ce que l'homme qui tue Lucky Luke est à la reprise de voilà. Lucky Luke. Ah oui, exactement. Merci, Raymond. Si on fait les parallèles, si on en a un à lire dans chaque série, c'est ces deux-là. c'est une excellente comparaison. Si vous avez aimé cette façon de s'approprier notre personnage préféré, de créer autre chose, voilà, c'est ça, la jeunesse de Mickey. Et petit clin d'œil en terminant avec une BD qui s'appelle Scalp. Ben voilà, là on est chez Futuropolis, c'est très sérieux, mais ça reste aussi très américain. Ce soir c'est mon spécial américain, j'ai l'impression. Alors chez Futuropolis apparaît ce grand album, alors il est d'un format un peu plus grand que la format moyen, d'un auteur qui s'appelle Hugues Nicole, qui avait travaillé avec chez Air Libre dans des albums un peu plus adultes, qui nous racontaient des histoires un peu plus sérieuses. Et là, il arrive avec une espèce de biographie imaginaire de John Glinton. John Glinton, c'est un Américain qui a vécu au 19e siècle, c'est un cowboy. C'est un cow-boy qui a vécu la guerre du Mexique. C'est un Américain qui a vécu, qui a été un des premiers Texas Rangers au Texas en 1860 et quelques. Mais c'était aussi un chasseur de scalp de la pire espèce. C'est un outlaw, c'est un desperados. Et Hugues Nicole nous raconte sa biographie, nous raconte son histoire sanguinaire, son histoire tachée de sang. Son histoire horrible à travers les événements qui ont marqué sa vie, entre autres ses poursuites aux Indiens, ses escales au Mexique, l'affrontement avec l'armée mexicaine. Tout ça, mais là n'est pas le propos, c'est la narration. Unicos utilise un noir et blanc un peu sale. Il utilise, il fait des personnages avec de grosses têtes, un peu des bobbleheads qu'on appelle. Mm-hmm. Il utilise des disproportions dans les corps, dans les physionomies, dans les anatomies. Mais quand il raconte les moments de violence, quand il raconte les moments, et là la narration devient une espèce de fluide, devient une narration liquide, je dirais. Oh. Tout se mélange, mais en même temps, tout est distinct, tout se suit. On coule dans cette violence-là rapidement pour revenir à des... Écoute, c'est un album qui m'a épaté, qui m'a étonné dans la façon de raconter. J'ai voulu faire un test. Je sais que Edouard, mon collègue que tu connais, le dessin, je savais qu'il serait un peu réticent. Je lui ai fait lire, et lui aussi a adoré. Il est toujours aussi réticent au niveau du dessin, mais il a adoré l'histoire, et il a adoré cette façon de raconter-là. Donc, je pense que Nichols, dans ce pari qu'il a eu de tenir, de raconter une histoire un peu, je dirais, sanglante, d'un homme perturbé, grâce à son art de raconter, oui, a réussi vraiment à nous donner un bel album. Alors ça s'appelle Scalp. Voilà. Marco Duchesne, merci beaucoup. Ben merci. Et à bientôt. Ouais, ciao. Ciao. Alors voilà, c'était Marco Duchesne avec ses commentaires BD. Alors, Infinity, la jeunesse de Mickey et Scalp. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, les 10 ans de Froid et également les régionalismes à la maison de la littérature. Alors, ben, c'était un rendez-vous. Et d'ici là, ben, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1.